C'est un sketch où un père alcoolique, enfin un père français, on va dire, il a décidé de faire à son fils d'arrêter de fumer son cannabis. Ouais, mais je suis pas content. Hein. Tu peux ricaner, Stéphane, moi ça ne fait pas rien. Mon seul jour de congé à le passer dans ton collège et convoqué par le proviseur, j'ai autre chose à faire. Hein? Je crois pas que je suis tombé des nues. Tombé des nues. Mais si tu allais en cours, tu saurais ce que ça veut dire. J'étais sur le cul quand l'autre m'a appris que mon fils, la chair de ma chair, la race de ma mère, était fumeur de cannabis. Ne mens pas, putain, on te voit sur les vidéos de surveillance. À pipocher comme une salope là au milieu de la cour, avec tes copains du Maghreb, du Mali, je ne sais pas quoi, dans un nuage de fumée, au milieu d'enfants tout à fait normaux qui gambadent, qui jouent à la marelle, à chat perché. Tu peux pas jouer à chat perché toi aussi, de temps en temps? Mais c'est toi le ringard. Tu te rends pas compte, hein? Alors j'ai rien dit, quand il m'a dit « Est-ce que c'est chez vous qui fait pousser toute cette merde ?» Je vais pas te balancer. Pas balancer mon fils, la chair de ma chair. La race de ma chienne. Crois-moi que j'ai tout de suite compris que les plantes que tu me fais pousser sur le balcon, c'est pas du cerfeuil, comme t'as osé le dire à ta mère. Mais elle y croit, Stéphane. Elle en fout partout dans la cuisine, le canard. Que tu te drogues, c'est une chose, mais on ne drogue pas sa famille, en fait. Ça détend, écoute-le. Oui, ça détend, c'est sûr. Arrivé au dessert, tout le monde me roupille. Je te rappelle, je suis gardien de prison. Ouais. Et la pénitentiaire, il rigole pas. Si on trouve ça dans mon sein, je suis viré. Il n'y a qu'un salaire à la maison. Non, je ne l'ai pas dit à ta mère, ça va pas encore. Ça lui arracherait le cœur, la pauvre. Elle ne reconnaît plus, elle s'est accoutumée à ta saleté. Ah, pour moi, elle est dépendante. Je ne la reconnais plus, cette femme. Elle qui chialait tout le temps, tu te souviens? Avec ses médocs, un petit dépresseur, je ne sais pas quoi. Voilà, elle chialait. Elle était bien comme ça. En boule dans son coin, dans la cuisine. Elle ne nous emmerdait pas, elle ne l'emmerdait pas. Maintenant, elle se bat, elle rigole. Elle est là. De ta gueule, je rentre du boulot, elle me saute au cou. Allez chérie, ce soir, omelette au cerfeuil, elle me fait. Elle en fout partout de ta mère. Et c'est des bonheurs artificiels. On est français, Stéphane. Une picole. C'est pas des drogues de dromadaire, là. On est société industrielle, faut mettre de l'essence dans la machine, le bordel. T'as pensé à ta petite sœur, 7 ans et demi, et à bouffer ta merde. Elle était déjà pas vive, c'est un flamme, maintenant. Et je reconnais tout ce que tu veux, que c'est plus... C'est vrai que ça m'éteint. Non, mais je le reconnais. Même moi, je le vois, je picole moins. Je rentre le soir, voilà, une bouteille de Ricard, ça me suffit. Voilà. On ne part pas dans des excès comme avant. Hein. Puis t'es nul au niveau transit et tout, je chie plus cette pâte à crêpe que je chie là. Mais... Tu te réveilles, t'as moins mal au crâne, mais tu te réveilles pas, c'est ça le truc. C'est moins vif, c'est des drogues pour le tiers-monde. Moi je le vois au boulot, et pas sur le coup, 5 évasions en une semaine. On le voit sur la vidéo de Surya, je suis comme ça. Un groupe de 5 qui me sont passés sous le nez, j'ai rien vu. Des Maliens noirs, j'étais bleu, les gars. Sur fond blanc, tu les loupes pas. Mais j'ai rien vu. Le temps que je redescende, il était déjà rendu au Mali. C'est pas des drogues pour nous, Stéphane. Je suis en train de t'expliquer. Eh, moi, si ça va pas, tu picoles, tu me demandes. Eh, tu sais, t'as 13 ans, j'ai vu ton âge, arrête. t'es mal dans tes baskets, c'est normal, t'es adolescent. Arrête, ça se voit. Eh, avec tous tes boutons sur la gueule, tout ça, c'est... C'est vrai que t'es atroce. Mais... Si demain tu rentres de l'école, tu files une bouteille de Ricard, tu vas dans ta chambre, tu t'enfermes. Hey. Tu sais, ton grand-père sera là, il se retournera dans sa chambre. Tu sais, c'est un héros de la France. Hein. Il a son nom sur le monument de... face à la déchetterie. Non. Et... Il a fait Verdun. Donc, ils sont partis la fleur au fusil. Bon. Mais c'était pas la fleur de cannabis, parce que dans la musette, ils avaient l'agneau, le crois-moi, alcool de patate du 80 degrés. Et ils racontaient, dans les tranchées, ils ont dit, on n'a pas des souliers de 5 ans. Tous les jours, à la nuit, les gens, ah,